Ok. Né pour tchatcher la vérité dans tous les quartiers. La vérité. Celle-là c'est pour tous les représentants de l'état de la justice. La justice. Normal que vous ayez peur quand vous nous voyez. Né pour tchatcher la vérité, alors écoutez. Vous voulez nous stopper quand vous nous entendez. On a moins de vices que vous, ça vient vous déranger. Vous devriez défendre le pauvre et l'orphelin. Vous ne le faites pas. Protéger le peuple de l'injustice. Vous êtes loin de ça. Cherchez à connaître la vérité. Vous n'écoutez pas. Les enfants ont leur tête mise à prise. Ça vous dérange pas. Des chefs abusent de leur pouvoir. Cela ne vous choque pas. Vos supérieurs oublient les droits de l'homme. Vous n'y croyez pas. Des milliers de gens subissent vos faux pas. Vous n'y croyez pas. Certains poussés à l'extrême se suicident. Ressentez ça. Votre système répressif nous fait bien rire. Pour calmer les choses, je le trouve bien agressif. Votre dispositif policier m'a bien scié. Quand contre nous jeunes, il s'est retourné. Quant à votre recours judiciaire, parlons-en. Lui qui sépare des familles entières, des enfants. Rappelez-moi quand tous seront sûrs et honnêtes. En attendant, je fais confiance à ma mère et en insistant. Quand vous nous contrôlez, nous agressez, nous parlez mal. Et dépassez vos fonctions. Ce ne sont plus vous, représentants de la justice, mais nos âmes qui enregistrent vos mauvaises actions. Vous nous cassez pour nous faire mal, nous voir flancher. Tranquille, je vous garde dans mes annales. Car l'heure du jugement approche maintenant. Je suis sûr que votre défense sera vide d'arguments. Vous devriez défendre le pauvre et l'orphelin. Vous ne le faites pas. Protéger le peuple de l'injustice. Vous êtes loin de ça. Cherchez à connaître la vérité. Vous n'écoutez pas. Les enfants ont leur tête mise à prise. Ça vous dérange pas. Des chefs abusent de leur pouvoir. Cela ne vous choque pas. Vos supérieurs oublient les droits de l'homme. Vous n'y croyez pas. Des milliers de gens subissent vos faux pas. Vous n'y croyez pas. Certains poussés à l'extrême se suicident. Ressentez ça. Oui, ressentez ça. Oui, ressentez ça. Désolé si je n'ai pas assez d'argent pour faire appel et vous prouver que je suis conscient. Mais la loi permet qu'on se défende seul. Et jusqu'ici, je n'ai vu personne de chez vous prendre les devants. La coutume veut que le premier que vous croisez est forcément le coupable, le délinquant. Je n'accepte plus votre deuxième chance. Ce serait accepter que dans cette histoire vous êtes innocent. Donc, il n'est pas l'heure de fermer boutique, mais plutôt de faire face à tous ces agissements qui se perpétuent sans cesse. Donc c'est au parloir que l'on fait la lumière sur ce qui est vraiment. Ça risque de durer longtemps, la liste est longue. J'ai donné ma vie pour ça, j'ai tout mon temps. Ne me parlez pas d'âme sensible, à cause de vous, beaucoup ont atteint les cieux trop rapidement. Vous devriez défendre le pauvre et l'orphelin. Vous ne le faites pas. Protéger le peuple de l'injustice. Vous êtes loin de ça. Cherchez à connaître la vérité. Vous n'écoutez pas. Les enfants ont leur tête mise à prise. Ça vous dérange pas. Des chefs abusent de leur pouvoir. Cela ne vous choque pas. Vos supérieurs oublient les droits de l'homme. Vous n'y croyez pas. Des milliers de gens subissent vos faux pas. Vous n'y croyez pas. Certains poussés à l'extrême se suicident. Ressentez ça. Oui, ressentez ça. Oui, ressentez ça.